Lire et temps, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. Aujourd'hui est une émission spéciale puisque ce sont quatre lycéens, Alexia, Adrien, Léa et Léana, accompagnés d'Esther, leur professeur de français de l'ensemble scolaire Charles de Foucault, qui ont préparé et qui vont animer la rencontre de ce jour. Bienvenue donc à vous. Alors notre invité qui a aimablement accepté de se prêter au jeu est Monsieur Benoît Gauthier, qui vient nous parler de son roman Le Cactus d'Arcadie, les tribulations d'un vieux chômeur au pays des anthropophages, publié aux éditions Rebeline. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Alexia, pouvez-vous nous parler de votre livre Le Cactus d'Arcadie ? Alors Le Cactus d'Arcadie, c'est un roman, une fiction, mais comme toujours dans les fictions, on met toujours un peu de soi dans la fiction. Alors je vous donne le début de l'histoire. Donc c'est un quinquagénaire qui Et bien dans sa vie professionnelle, tout se passe bien, il est persuadé qu'il va rester à ce poste-là jusqu'à sa retraite. Et puis un soir, son patron l'appelle en disant « je veux dîner avec toi ». Bon, très bien. Alors, en plus, il est flatté parce que c'est le président de la société, c'est un grand groupe. Donc il dit « ça y est, je deviens quelqu'un d'important ». Donc il organise tout et puis le jour arrive et son patron arrive et il se tortille un peu sur sa chaise, il regarde ses pieds, puis en fait, il va lui annoncer qu'il est viré. Voilà, donc... C'est une descente aux enfers, le début du roman, c'est une douche froide, il sort, il va un peu errer dans sa ville, il sait pas trop quoi faire, et finalement, il va y avoir plusieurs histoires qui vont se superposer. Il y a une histoire un peu policière parce que le patron, finalement, il va disparaître. Donc, vous l'avez lu, il va plus ou moins être accusé du meurtre de son patron. Donc, à la fois pour fuir ce qui s'est passé, puis surtout pour pas être arrêté, il va partir. Voilà, c'est le début d'une espèce de road movie qui va fuir à la fois sa ville, à la fois son ancienne vie, et puis il va être amené à rencontrer un certain nombre de personnes, surtout des femmes qui vont à chaque fois lui apporter quelque chose, remettre en cause sa vie, ses idées. Voilà, donc ça ressemble un peu à un road movie, à une remise en cause, voilà, puis à une critique de la société, du monde du travail. Voilà. Léana ? Nous avons donc étudié votre roman Le Cactus d'Arcadie en classe et nous avons lu de nombreux passages à haute voix. Ce qui nous a très vite frappé, c'est l'oralité de votre style. Par exemple, cette injonction qui revient comme une rengaine. Bien prononcer le T à la fin de Dutroux. Nous aimerions savoir si, comme Flaubert dans son gueuloir, vous testez vos phrases pour qu'elles sonnent aussi bien. Pas toujours, mais c'est vrai. En fait, en vous écoutant, c'est le... Bon, je lis pas tout ce que j'écris oralement, mais c'est vrai que la musique des phrases, la musique des mots est importante pour moi. Et souvent, quand j'ai écrit 2-3 pages, je m'arrête et je les relis. Alors, c'est pas forcément à haute voix, mais l'enchaînement, la musique, oui, le côté... Il faut que ça coule de source, il faut que... Voilà, il n'y a pas seulement les idées, mais la forme est aussi importante que le... Alors le côté, oui, Dutroux, c'était amusant, c'était pour... ça montrait à la fois... D'abord, il y avait un côté effectivement musical, et puis surtout ces côtés pour montrer un peu le côté ridicule des personnages, voilà. Adrien ? Toujours concernant votre écriture, nous nous demandions comment vous avez construit votre roman. Nous avons souvent été pris au dépourvu par les péripéties de vos héros. Les aviez-vous anticipés avant de débuter votre roman ? Ou alors les avez-vous imaginés au fur et à mesure ? Alors moi, quand j'écris, je sais que tout le monde ne procède pas de la même façon. Moi, quand j'écris, je connais la fin. C'est-à-dire que je connais le début et je connais la fin. Par contre, le chemin pour arriver jusqu'à la fin, je l'ai dans les grandes lignes. Mais au fur et à mesure que j'écris, qu'on écrit, les personnages, ils vous échappent. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on avait pensé qu'il était comme ça. Et puis finalement, son caractère fait qu'il va... Ce serait plus dans l'histoire, ce serait davantage dans le cohérent avec l'histoire. Il y a un souci de cohérence. Et donc finalement, non, toutes les péripéties... la séparation du roman, là, puisqu'il y a plusieurs grandes parties, d'abord, donc les différentes personnes qu'il va rencontrer, je les avais au début. Par contre, tout ce qui lui arrive, bah, les personnages vous échappent. Hein, donc, non, ensuite, ça devient, c'est un peu de l'improvisation. Alexia ? Vous semblez prendre énormément de plaisir à jouer avec les mots, faire sans cesse des clins d'œil amusés à vos lecteurs, comme en témoigne cette longue énumération. Pouvez-vous nous lire cette page ? Ah, vous avez bien aimé ça, ouais. Alors ça, là, c'était vraiment... Moi, j'ai écrit pour me faire plaisir. Ça, voilà, il y a un côté jubilatoire. Oui. Et ça, c'est typique. D'ailleurs, cette page, elle est arrivée assez tard. À un moment, je cherchais des synonymes, parce que c'est vrai que il y a un besoin dans la langue française, il faut essayer de ne pas toujours utiliser les mêmes mots. Et puis en faisant ces recherches, mais finalement, cette énumération est arrivée. Alors vous voulez que je vous la lise ? Voilà. Je vais essayer de bien la lire. Alors. Donc vous vous souvenez, il vient de se faire virer. Voilà. Donc il est dans la rue et puis il rumine les mauvaises pensées. Et donc je vous le lis alors. Virer, renvoyer, licencier, jeter, balancer, balayer, chasser, décruter, transactionner, destituer, débaucher, mis à pied, au rebut, à la poubelle, au rancard, à la porte, au placard, sur une voie de garage, jeter aux oubliettes, banni, congédié, destitué, limogé, écarté, remercié, révoqué, enterré, expédié, détruit, tué, assassiné, abattu, effacé, anéanti, enlevé, supprimé, suicidé, oxy, massacré, exterminé, abattu, démoli, renversé, terrassé, défait, assommé, exécuté, saccagé, fusillé, descendu, guillotiné, déchu, couler, noyer, enterrer, poignarder, empoisonner, transpercer, décapiter, lourder, remanier, refondu, dégraisser, réorganiser, restructurer, renverser, égorger, immoler, sacrifier, étriper, éventrer, éviscérer, dutroutiser. Moi, ça me fait surtout chier. Alexia ? Au-delà de l'amour des mots, le cactus d'Arcadie n'est-il pas un plaidoyer contre le sort réservé aux seigneurs dans le monde de l'entreprise ? Bah oui, un peu. Ah oui, c'est... notre société n'est pas très tendre. Hein. Ouais, hein, pas très tendre pour les gens comme nous. Hein. Mais, oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est un peu un plaidoyer, pas tellement contre le jeunisme, parce que je pense que, à la limite, je vais défendre l'inverse. Je pense que la vie est plus difficile pour vous qu'elle n'a été pour nous quand on avait votre âge. Bon. Mais n'empêche que cette société qui aujourd'hui est assez contradictoire parce qu'elle explique que les seniors vont devoir travailler très longtemps et puis bon, on sait très bien qu'à 50 ans c'est fini, voilà, quand on se retrouve sans emploi, c'est extrêmement difficile donc il y a une espèce de contradiction, de déni de la réalité et qui est difficile à vivre pour tous les seniors, voilà, donc oui tout à fait, c'est une façon également de d'exorciser cette peur qu'ont tous les gens qui arrivent comme ça en fin de carrière. Et donc, il y a un côté un peu psychothérapie, hein, pour employer des grands mots, c'est ça. Puis, il vaut mieux en rire, voilà. Parce que finalement, le livre veut être drôle. Je ne sais pas si vous avez lu, mais si vous avez ri. Mais voilà, donc ça veut être drôle. Et puis, quelque part, tout ce qui nous arrive, même si c'est dramatique, on peut toujours en rire. Voilà. Léa ? Pensez-vous, comme votre personnage Emma, que la modernité est laide, sans intérêt, et qu'il n'y a que le passé qui soit beau ? Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque personnage a des idées, et elles, en fait, ce ne sont pas les mêmes, elles sont contradictoires. Donc effectivement, Emma, c'est ce qu'elle pense. Ben oui, parce qu'elle, elle produisait du vin, elle avait une propriété viticole, donc elle avait sans doute une vie passionnante, voilà. Et puis son fils l'a mise dehors, quoi. Il a repris la direction de la propriété, donc pour elle est quand même assez réfugiée dans son passé, et puis elle est dans ce lac là, où qui s'envase, où elle est toujours en train d'essayer de retrouver le paysage de son enfance. Donc elle, oui, elle regrette. Alors, est-ce que je pense ça ? Oui, quelque part, il y a... Non, mais je pense que je suis plus optimiste qu'elle. Non, le monde moderne est beau. Ouais. Oui. Non, moi, je ressemblerais plus à... que la première. Curiosity ? Oui, quoi, la Curiosity Byron, oui. Mais on a tous, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais par moment, c'est-à-dire, ça dépend. On est amené à regretter, à regretter des... Une certaine nostalgie, mais en même temps, voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de... d'embellir la réalité qu'on a vécue? Complètement, oui. J'ai la forte impression que votre roman est le récit d'un rêve. Est-ce le cas ou y a-t-il une part d'autobiographie? Bah, les deux. Au début... Non, ce n'est pas une autobiographie, heureusement. Non, je sais pas. Vous n'avez tué personne? Je n'ai pas trafiqué l'ascenseur. Non. Mais, ouais, il y a un côté autobiographique, hein, voilà, pour certains passages. Ou alors, c'est plusieurs histoires, surtout les caractères, les personnages, en fait, qui, on pourrait dire que la plupart existent, mais pas dans ces conditions. L'histoire, peut-être le début, non, mais l'histoire est une fiction, c'est une fiction. Et... oui, ce côté rêve, c'était ça votre question, hein, oui. Ce côté rêve. Moi, j'aime bien, je ne sais pas si vous avez lu mes précédents romans, puisque celui-là, c'est le quatrième, et, ou dans le troisième, puis il y a eu des nouvelles, et j'aime bien ce côté... en fait, on parle de la réalité, voilà. Parce que moi, je ne suis pas dans l'héroïque fantasy où c'est complètement fantastique. Non, mais là, on parle de la réalité, puis à un moment, il se passe quelque chose qui fait qu'on n'est plus dans la réalité, voilà. Ça, c'est une volonté, ce que j'aime bien. D'accord. Et ça vous a plu? Ah oui. Léa? Vos personnages sont assez atypiques. Vous êtes-vous inspiré de personnages réels? Ouais. Oui. Oui. Les... Curiosity existe? Les deux Petrovitch aussi. Plusieurs. Oui. Ils existent tous. Il y avait Curiosity, Emma, et puis la dernière. Jeanne-Jeanne. Ah oui, Jeanne-Jeanne, j'aimais bien. Ouais. Non, Jeanne-Jeanne, peut-être pas, n'existe pas celle-là. Je crois pas. D'accord. Oui, mais pour elle était quand répondre, même, vous avez un peu. Oui, mais on force le trait. En fait, au début, les personnages. Ça, j'ai remarqué, quand on écrit, on a souvent. Quand on commence à faire vivre un personnage, on entête quelqu'un. Donc, on est proche de la réalité. Et puis, progressivement, on se met à lui donner des caractères qui vont bien avec l'histoire. Et puis, quand il y a deux personnages, c'est bien qu'ils soient tranchés. Donc, oui. On se met à chacun. Bon, ça, c'est. Voilà, lui, il sera comme ça. L'autre sera d'une autre façon. Et finalement, ils deviennent de plus en plus un peu comme des archétypes. Ils deviennent caricaturaux. Les deux sont un peu des caricatures. Mm-hmm. Enfin, moi, je l'aime bien. Je l'imagine. Une dame un petit peu rondelette avec son parachute. Ou presque. Non, sa montgolfière. Sa montgolfière rose. Ça doit être pas mal. Non, mais je connais personne qui ait toutes ces caractéristiques. Ouais. Alors, Alexia? Vous décrivez l'entreprise comme un monde d'homo economicus dans lequel la femme n'est qu'une subalterne qui fait le sale travail à la place de Charles Dutroux. Pourtant, les autres femmes occupent une place bien plus importante dans votre roman. Elles redonnent au héros goût à la vie, le conseillent et lui permettent de s'épanouir. Trouvez-vous que les femmes n'ont pas le même rôle au travail et dans la société? Ah, c'est intéressant ce que vous dites, la place, parce que je vous avoue, quand j'ai écrit ce bouquin, je n'ai pas du tout pensé quelle place je donnais à la femme dans mon roman. Et c'est vrai que ce que je dis dans la vie professionnelle, enfin dans mon roman, alors ça c'est vraiment inspiré de moi, ce que je vis. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont des collaboratrices, mais en même temps, il y a la DRH, donc la directrice des ressources humaines, ça pose très important. Donc là, c'est une femme, hein. Donc... on ne peut pas dire qu'elle serait subalterne. Hein. C'est même quasiment la principale collaboratrice du président, c'est une femme. Mais c'est l'exécutante quand même. Oui, c'est l'exécutante. Ouais. Bah, de toute façon, il n'y a toujours qu'un seul patron. Alors j'aurais pu mettre une femme comme patron. Ouais. C'est et plus difficile de tuer une femme, peut-être. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Oui, en fait, il rencontre des femmes et c'est les femmes qui le sauvent, finalement. Donc, sinon, c'est un livre féministe, vous ne trouvez pas, non? Non? Je ne sais pas, vous en pensez quoi? Enfin, je ne sais pas si ça donne une mauvaise image de la femme. C'est à voir parce qu'on voit que les femmes ont apporté énormément d'aide à ce monsieur. Donc, d'un côté, il y a des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Oui, bah, c'est comme dans la vie. Hein. Exactement. Alors, nous allons faire une pause musicale. Vous avez choisi de nous faire entendre Nos joies répétitifs de Pierre Lapointe. Ouais. Chaque chagrin avale son lot de tristesse fugitive. Caressant les cheveux de notre enfance éthérée, lui répétant qu'il est encore trop tôt pour crier. On a appris à sourire comme des hommes bien élevés, pour détourner l'attention de nos sexes souillés. Mais on a oublié de nous montrer comment faire pour trouver l'amour et lui prouver qu'on peut. Arrive, que la honte récidive, nos joies répétitives savent nous rassurer. Mais du noir, du bleu pour barbouiller nos yeux, pour faire croire, même si c'est faux, qu'aujourd'hui on va mieux. On boit, on mange entre copains. Parler de nos habitudes, celle d'hier, celle de demain, pour comparer nos solitudes. On se fout dans le nez ce qu'il nous reste à vivre, hurlant à tout vent comme on est heureux quand on est ivre, essayant d'étouffer tout ce qui vient nous rappeler qu'on est déjà à l'âge d'or du rebelle attardé. Cette fois parfaite où on a tout gâché, en laissant s'échapper un je t'aime mal placé. Nous sommes toujours avec Benoît Gauthier. Adrien ? Le titre de votre roman, Le Cactus d'Arcadie, évoque évidemment un monde utopique. Vous proposez pourtant plusieurs univers totalement différents. Lequel d'entre eux serait un monde merveilleux pour vous ? La vie d'ermite de Curiosity, la lutte inutile d'Emma ou la pataphysique de Jeanne-Jeanne ? Ah là, c'est une question difficile. Hein. Un peu des trois, mais... Ah, la pataphysique de Jeanne-Jeanne, j'aimais bien hein, ce côté à la fois absurde et puis finalement ce côté drôle quoi, voilà. Le monde d'Emma, il est pas drôle quand même hein, il est pas drôle. Curiosity, elle est bien, ouais. Curiosity dans sa montgolfière avec ses copines qui fait des pyjama parties, c'est vrai, c'est sympa ça. Sympa comme pyjama party dans une montgolfière. Mais hein, et la pataphysique, c'était ce côté dérisoire, dérision. Hein, vous avez pas mal parlé de Boris Vian, mais donc de toute façon, le nom du héros est Gédéon Mauve, hein, vous avez vu, et dérivé de Boris Vian. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Maurice Vian, mais il faut en lire. Hein, voilà. En toute modestie, parce que je ne sais pas le talent de Boris Vian, mais c'est un peu inspiré de Boris Vian. Voilà, je l'avais en tête quand... il faut lire du Boris Vian, L'Arrache-Cœur, L'Écume des Jours, L'Écume c'est des facile. Jours, j'ai adoré, oui. C'est... Enfin, c'était peut-être notre époque. Hein. C'est possible. Non, faut... voilà. Et donc, pour répondre à votre question, c'est vrai que le monde d'Emma, mais... non, le monde de Jeanne-Jeanne était bien. Léana ? Vous avez trouvé une solution radicale pour éradiquer le nombre de chômeurs. Demandez aux cannibales de les dévorer. Plus sérieusement, vous vous moquez du Pôle emploi. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune ou un senior s'apprêtant à découvrir cet organisme ? Ouais, déjà, j'espère que vous n'aurez pas à aller à Pôle emploi. Hein, mais... du courage, de la patience, et puis comptez sur vous-même avant de compter sur les autres. Voilà. Je pense que... les choses sont très différentes aujourd'hui pour des jeunes qui, comme ça, bah, qui se lancent dans la vie. Et je pense que compter sur vous-même, je crois que le salariat, c'est-à-dire penser pouvoir rentrer dans une entreprise et puis y faire toute sa carrière, ou même y rester 10 ans, ça arrive toujours, ça existe encore, mais c'est de plus en plus rare. Et en fait, il faut que vous ayez beaucoup de centres d'intérêt, il faut avoir des passions, il faut... accepter de se lancer sans savoir, sans avoir de plan de carrière. Il faut accepter d'échouer, de recommencer. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous êtes comme ça. Moi, je trouve que les mentalités ont changé. Oui, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes... Mais voilà, il ne faut pas hésiter à avoir des passions, les réaliser, se tromper, recommencer. Voilà. Et surtout, les chemins tout tracés. Parce qu'à Pôle emploi, c'est ça, on va vous... Je ne veux pas dire de mal au Pôle emploi, mais on va vous expliquer, on va vous demander ce que vous avez déjà fait, quelles sont vos compétences, et puis on va vous mettre dans des cases. Hein, ce qui est décrit, c'est la réalité. Aujourd'hui, si c'est pas comme ça qu'on arrive à trouver sa place dans la société, hein, non. Aujourd'hui, vivez vos passions, et puis écoutez pas trop les conseils des plus âgés. Voilà. Adrien ? On a l'impression que ce n'est pas le même personnage qui parle à la fin du livre. Pourquoi ces changements soudain ? Ah bon ? Mais je ne sais pas. Alors, j'ai pas remarqué. Alors, dites-moi, c'est pas le même personnage. Bah, on a l'impression que sa personnalité, elle change. C'est vrai ? Ah, ça me plaît. Ça me plaît assez. Ça veut dire que finalement, ce voyage l'a fait changer. Je ne sais pas si ça fait changer l'auteur. J'en sais rien. Mais en tout cas, dans la fiction, ça, c'était un peu ce que je voulais montrer. Au début, quand même, il est sur un petit nuage, tout va bien, pof, il va descendre au 36e dessous, comme son patron dans son ascenseur. Et puis finalement, il va avoir un parcours qui va le mener jusqu'en Arcadie, donc effectivement, pays rêvé, pays mythique. Et puis, quand il revient, il a changé, c'est bien. Si c'est ce que vous avez ressenti, ça me plaît assez. Léa ? Pourra-t-on lire la suite des tribulations de ces vieux chômeurs ? Ah bon, vous voulez une suite ? Ah oui. Ah d'accord, bon, ben, il faut que je réfléchisse. Non, c'était pas prévu, apparemment. Autre chose. C'est qu'il n'y a rien à voir. Rien à voir. Parce que le roman n'a pas de lieu, même si je pensais à des endroits, mais... par contre, là, je suis en train de dire quelque chose qui se passe à Nancy. Mais effectivement, pourquoi pas lui donner une suite ? Ah, faut que j'ai des idées, là, faut que je réfléchisse. Alexia ? Qui a composé la photographie qui illustre la couverture de votre livre ? Alors ça, c'est l'éditeur. Et je crois que c'est son fils qui a... Moi, j'avais fourni la statue. Parce que ça, elle existe. C'est une petite terre cuite que j'avais achetée dans une brocante. Et puis la photo de la montgolfière, du ciel, du cactus, ça, c'est l'éditeur qui l'a trouvé, qui a fait plusieurs projets. Moi, j'aime bien, je sais pas. Et la symbolique de la... Statue ? Symbolique de la statue, bah c'est une des femmes qui trouve, qui le recueille. Je sais pas, j'aime bien. pas chercher trop de symboles. Et le titre, c'est pareil, c'est comme ça, c'est venu comme ça. Mais oui, le cactus, c'est en référence donc à sa passion pour les cactus. En plus, c'est un peu lui, il est un peu comme un cactus, lui. Au début, c'est un peu son caractère. Hein. Arcadie, c'est un pays rêvé. Mais en même temps, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs tableaux classiques, Et ego in Arcadie. Je ne sais pas, vous les avez vus. Mm-hmm. Et donc, en fait, ces tableaux montrent À chaque fois, donc l'Arcadie, c'est un pays merveilleux. On voit un super paysage, on voit des nymphes qui dansent. Et puis en même temps, toujours quelque part, il y a la mort. Et ego in Arcadis, et la mort est aussi en Arcadie. Donc je trouve que ça résume assez bien le livre. Bien. Voilà. Quels sont vos projets? J'écris, moi je continue à écrire, j'écris pour le plaisir. Donc là je suis sur une fiction qui se passe en Lorraine et à Nancy. J'en dis pas plus hein, parce que c'est de la fiction. C'est-à-dire on part toujours d'endroits, alors là ça sera de lieux qui existent, ça se fait aujourd'hui. Et puis c'est en lien avec le XVIIIe siècle, avec Stanislas, voilà. Mais ça se passe aujourd'hui. Ouais, mais comment on peut écrire des livres aussi différents? Parce que les deux sont premiers... très différents. Moi, je le crois, oui. D'accord. Bon. Notamment le deuxième, quand vous racontiez avec l'histoire du fils. Oui, le deuxième, c'était plus c'est une histoire de famille. Mais celui-là, ça ressemble un peu au premier qui se passait, voilà. Lui aussi, à Nancy. Oui, voilà. Ouais. Mais vous vous amusez toujours autant à écrire, moi, parce que bon là, plaisir, on bon a l'impression, plaisir, hein. Oui, que c'est vraiment jubilatoire, oui, quoi. Bah oui, exactement. Ouais. Et est-ce que vous allez... Comment donc au salon du livre sur la place cette année? Alors l'éditeur y est, oui, il y sera. Donc moi j'ai pas de livre cette année, parce que l'année dernière ce livre était au livre sur la place. Oui. Donc moi j'y étais. Cette année j'ai pas de nouveau livre, donc c'est très demandé le livre sur la place. Hein. Mais je pense que j'y passerai, l'éditeur me trouvera un petit moment, parce que le livre sur la place dure 4 jours je crois. Hein. Voilà, ou 3 jours, et donc il va me trouver une demi-journée où j'y serai. Vous aimez bien le contact avec les j'aime bien, publics. Oui, j'aime bien. Ouais. Ouais. Ouais, on rencontre des gens très, très, très variés. Et puis, c'est vrai que les gens qui viennent vous voir, la plupart du temps, ont aimé ce que vous avez écrit. C'est très rare que quelqu'un vienne et vous dise « Oh, ce que j'ai détesté votre livre !» Ça n'arrive jamais, ils ne viennent pas. Donc, en fait, c'est bien de... Et puis d'écouter et... souvent on me dit ah voilà telle page j'ai aimé telle moi j'ai jamais pensé que voilà on me dit bah, par exemple là, quand on parlait de la place de la femme, c'est vrai que c'était pas un axe que j'ai vraiment travaillé dans ce livre, donc oui ça apporte beaucoup de travailler, d'écouter, de discuter avec ceux qui ont aimé ce que vous avez fait. En plus c'est assez valorisant. Quand on vous aime, c'est bien. Hein. Vous avez des questions à poser? Non, rien de particulier. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite émission particulière avec ces élèves de seconde? Je suis flatté qu'ils aient lu avec autant d'attention. Non, c'est bien. Ouais, flatté, c'est bien. Ouais. Non, parce que il se vend bien, hein, donc il y a pas mal de lecteurs. Mais de la jeune génération, bon, il y a mes enfants, mais évidemment, mais bon, ils sont pas très objectifs. Mais non, c'est intéressant et oui, ça me plaît que vous ayez aimé. Ça vous prend combien de temps pour faire un livre? Je me presse pas parce que c'est pas moi, j'ai mon métier par ailleurs, bien sûr. Hein, et donc faut une petite année, quoi. Une petite année. Voilà. Oui. Entre le moment où, allez, ça y est, c'est bon, je sais d'où je pars et où j'arrive, et puis le moment où c'est fini. Mais moi, j'ai un défaut, c'est que je m'arrête jamais. Donc à un moment, il y a mon éditeur qui m'arrache le manuscrit, qui me dit, c'est fini, t'arrêtes, voilà. Parce que sinon, je suis toujours en train de corriger, de rajouter, d'enlever, voilà. Alors merci à Benoît Gauthier d'être de venu rien, nous merci parler de son roman Le Cactus d'Arcadie, tribulation d'un vieux chômeur au pays des anthropophages, publié aux éditions Rebeline. Merci également à Alexia, Adrien, Léa et Léana d'être venus poser toutes ces questions. Et merci également à Esther, leur professeur de français, d'avoir préparé ces questions avec eux. Et enfin, merci à Yves-Antoine d'avoir assuré la technique aujourd'hui. Merci. Alors, c'est la dernière émission de la saison. Je vous donne rendez-vous en septembre. Au revoir à tous et à bientôt.